Thank you.

rançon et la vue sur la nuit. Et la claque du vent, la gifle et du bruit. Je n'ai pas sommeil. Le cœur en sang comme le goût de la vie a changé récemment comme un coup de mépris. Je n'ai pas sommeil. femme t'ait chanté ta chanson. Pas grave. Le cœur en sang, la vue sur la nuit, et la claque du vent, et la gifle du bruit. Le cœur en sang, comme le coup de la vie, a changé récemment, comme un coup de mépris. Je n'ai pas sommeil, non, non, je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le courant de l'orage, je recherche le vertige infini. J'ai gâché tout le sang de la vie, je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le vide de vie, ça tourne et puis ça rétrécit. Oh, oh. Je surveille le sommeil de minuit, je n'ai pas sommeil. Oh, oh, oh, oh. Le cœur en sang et la vie sur la nuit, et la claque du vent et la gifle du bruit. Le cœur en sang comme le coup de la vie, je me sens prendre comme un coup de mépris. Oh, oh. D'accord derrière. Thank you. connais pas d'autres personnes. Il est 4 heures. Je crois que tu dois aller préparer les goûters.